Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. La valeur et le sens de ses paroles sont déterminés par leur substance, non parce que l'homme les accepte ou les reconnaît. Même si personne sur terre ne reçoit ces paroles, leur valeur est pour l'homme son sang mesure. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. À ceux qui se rebellent, méprise ses paroles, Dieu n'a qu'une seule réponse à donner. Que le temps, les faits témoignent que ses paroles sont vérité, chemin et vie. Montre que est juste, c'est ce que l'homme doit avoir et respecter. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. À tous ceux qui le suivent, Dieu leur fera ça. Ce fait, ceux qui n'acceptent pas ces paroles ou qui ne peuvent les pratiquer ni trouver un but dans ces paroles ni recevoir le salut à cause de ces paroles sont tous condamnés par les paroles de Dieu. Ils ont perdu le salut de Dieu. Sa punition ne s'éloignera jamais d'eux. Les paroles de Dieu sont vérité, immuables à jamais. Dieu est celui qui donne vie et le seul guide de l'homme. Les paroles de Dieu sont vérité, immuable à jamais.